dimanche 4 novembre, le peuple de Dieu. Lisez 1 Pierre 2, le verset 9, Exode 19, le verset 5 et 6, Deutéronome 4 au verset 20 et Deutéronome 7 au verset 6. Que disent ces versets sur le statut particulier du peuple de Dieu ? L'Église, ce sont des personnes, mais pas n'importe quelle personne. L'Église est le peuple de Dieu, le peuple qui appartient à Dieu, qui affirme que Dieu est leur Père et Sauveur, qui a été racheté par Christ et qui lui obéit. Cette image souligne l'idée que Dieu a toujours eu un peuple sur terre depuis la mise en place du plan du salut, et qu'il y a une continuité entre l'Israël de l'Ancien Testament et l'Église dans le Nouveau. Depuis l'époque d'Adam, les patriarches avant et après le déluge et Abraham, Dieu a fait une alliance avec son peuple pour qu'il représente son amour, sa miséricorde et sa justice auprès du monde. Le peuple de Dieu est appelé une lignée choisie, un sacerdoce royal et une nation sainte. Ces expressions indiquent que ce peuple a été mis à part dans un but particulier, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. C'est également un écho de la description faite du glorieux caractère de Dieu dans Exode 34, les versets 6 et 7. Dieu s'est acquis l'Église comme son bien particulier, afin que ses membres puissent refléter ses précieux traits de caractère dans leur propre vie et proclamer sa bonté et sa miséricorde à tous les hommes. Lisez Deutéronome 7, les versets 6 à 8. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à choisir les descendants d'Abraham pour qu'ils soient son peuple ? En quoi est-ce toujours applicable aujourd'hui ? Nous devrions peut-être nous poser la question suivante. Quel pays aujourd'hui mérite d'être appelé une nation sainte, autre image de l'Église ? Aucun. Toutes les nations et tous les groupes ethniques sont constitués de personnes qui ne méritent pas l'amour et la grâce de Dieu. Et bien que la Bible nous appelle à être un peuple saint, les Écritures enseignent également que l'élection et l'établissement d'Israël étaient entièrement fondés sur l'amour de Dieu et non sur de quelconques mérites que les humains auraient pu mettre en avant. La formation du peuple de Dieu était un acte de création fondé sur l'amour, et malgré le péché et l'apostasie commis à une échelle nationale, Dieu a tenu la promesse qu'il avait faite à Abraham à travers sa descendance, Christ. Il sauverait son peuple. L'élection du peuple de Dieu était un acte de grâce, et il en est de même pour le salut. Ce thème nous rappelle nos racines communes dans la grâce imméritée de Dieu. Pourquoi ne doit-on jamais oublier cette vérité sacrée ? Notre salut repose sur ce que Christ a fait pour nous et non sur ce que nous pourrons jamais faire pour nous-mêmes, même si nous sommes le peuple de Dieu.